Maurice Level, Vieille fille. Chapitre 1. Mademoiselle Solange leva les yeux de dessus son ouvrage, regarda par la fenêtre la porte enchâssée dans le mur du jardin et le mur où le lierre venait de trembler. Une seconde, le jeu de ses doigts et l'escrime des aiguilles se ralentirent. Mademoiselle Mathilde, qui lui faisait vis-à-vis, demanda en dévidant sa pelote de laine. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je croyais qu'on avait sonné, » répondit Mademoiselle Solange. Mademoiselle Mathilde prêta l'oreille et dit « Tu t'es trompée. » Dans l'instant même, le lierre frissonna une seconde fois et un son de cloche retentit, mais si grelottant, si rouillé, qu'il fallait connaître les moindres bruits de la demeure pour ne pas le confondre avec le craquement d'une branche ou la dégringolade d'une pierre sur le toit. Alors, Mademoiselle Solange croisa son châle sur sa poitrine et sortit. Il avait plu le matin, et l'eau suintait encore des gouttières, des sapins et du lierre qui matelassaient le mur. La statue saturée d'humidité était d'un brun noir, et une odeur de pourriture montait des feuilles abattues par le vent. Même au plus fort de l'été, ce jardin conservait une odeur de cave, parce qu'il s'étalait dans un bas-fond, et que les arbres jamais émondés le couvraient d'une voûte impénétrable. Le soleil n'y coulait de lumière qu'à regret, la lune dans son plein qu'une blancheur avare. Seule la pluie s'y frayait un chemin. Les demoiselles de Saint-Béoda demeuraient là depuis toujours. Elles tenaient la maison de leurs parents qui la tenaient des leurs. Une maison coquette autrefois, que le temps et la misère des choses avaient rendue si triste. Les trois marches d'accès se creusaient en bénitier, le décrotoir luisant et tranchant d'un côté était de l'autre, terné plein, et le fer des balcons, jadis d'un beau noir rehaussé d'or, était maintenant d'un roux uniforme. Le jardinier venait une fois la semaine au printemps, une fois le mois en hiver, ratisser les allées et charrier les détritus. Il ne poussait ici que des fleurs pensives, décolorées et sans parfum. Dans une grotte artificielle, des mousses glaireuses recouvraient un amour en pierre, dont un bras cassé gisait sur le sol, et une boule de verre striée de bavure reflétait par places des facettes de lumière. Un chemin courait dans l'allée centrale, incessamment rétréci par des herbes. Derrière la maison, une écurie en ruine, les poules avaient fait leur nid dans la mangeoire et dormaient sur les crochets où des harnais achevaient de moisir. Ensuite, un potager avec quelques plants de légumes, des cloches à melons et des pots de fleurs ébréchées, l'armature d'une serre qui s'enfonçait dans le sol, et une vaste étendue qu'on appelait l'enclos ou le verger, jalonné d'arbres fruitiers, dont les rares fruits, atteints du mal de vieillesse à peine nés, tombaient, mangés par les vers avant que d'être mûrs. Après cela, un ruisselet qui traversait un ponceau fait de deux planches branlantes, un terrain vague, et tout au bout une grange où s'entassaient mille objets disparates, mal défoncés, valises à corps rigides surmontées d'un soufflet, matelas repliés en boyaux, tables boiteuses, fauteuils aux sièges ébouriffés de crin, monticules de bouteilles et de livres, portes obliques, vieilles hardes, guirlandes d'oignons et d'eau desséchées, sacs à raisins qui renfermaient encore des squelettes racornis de grappes, ferrailles de toutes formes et de toutes tailles, Capharnaüm, enfin, où les choses se trouvaient si bien enchevêtrées qu'on aurait pu extraire l'une sans faire effondrer l'édifice invraisemblable des autres. Nul ne franchissait jamais la porte de cette grange dont une forêt de ronces, de chardons et d'orties défendait l'accès. Un plant de vigne vierge venu on ne sait d'où tapissait la porte en diagonale, et les plus jeunes feuilles commençaient de mordre sur l'encadrement de pierre. Tel était le domaine des demoiselles de Saint-Béoda. Demoiselles ne convenaient en vérité qu'à Mathilde, la plus jeune, l'aînée ayant été mariée 20 ans plus tôt à un gentilhomme du voisinage. De cette union, qui n'avait duré que quelques mois, Mademoiselle Solange avait gardé une impression d'horreur et d'épouvante. La vue d'un homme évoquait pour elle une poitrine velue, la rudesse d'une barbe, un souffle rauque, une bouche accrochée à la sienne et le craquement de ses reins sous un corps abattu. De l'amour, il ne lui restait d'autre sensation que celle d'une rupture de sa chair et d'une honte mortelle qui la faisait se replier la nuit dans la ruelle et le jour se cacher sous les arbres des heures entières, tellement immobile que le soir, pour regagner sa demeure, elle déchirait parfois des lèvres en se levant la toile tendue en travers de son abri par une araignée. Son mari était mort, tué raide d'un coup de pied de cheval. Pour peu, elle eut baisé au naseau la bête libératrice. Les funérailles achevées, voulant que rien ne subsistât de ce cauchemar, elle avait cadenassé la chambre où il avait dormi, arraché de son doigt son alliance, repris ses robes de fille, et le défunt pourrissait depuis des semaines sous la dalle du cimetière, qu'il lui arrivait encore, croyant humer sur elle son odeur, de se dévêtir et de se laver à grande eau pour détacher de sa peau les dernières traces de la souillure. D'autres fois, en pénétrant dans une pièce, elle s'arrêtait, flairait le vent, criait « Ça sent l'homme !» Elle ouvrait les fenêtres, cherchait d'un œil aigu quelque objet oublié, jusqu'à ce qu'elle l'eût trouvé, piétiné et finalement brûlé dans le fourneau de la cuisine. Dans ces moments, Mathilde la considérait avec stupeur. Alors, elle lui décrivait l'horreur du mariage, l'abomination des gestes, le dégoût des mains pétrissant les membres et d'un groin fouillant la chair, les cris pareils à ceux des bêtes, les prières immondes et les ordres féroces, et l'odeur fade qui traîne parmi les draps saccagés, balbutiant, secoué d'effroi comme à l'heure de l'accouplement. « Ne connais jamais cela !» Enfin, elle avait rejeté son nom de veuve et jusqu'à l'appellation de « madame », exigeant qu'on lui dit « mademoiselle », comme à sa sœur. Dès lors, leur vie s'était écoulée, sinistre, n'ayant même pas pour l'égayer les pratiques religieuses. Le curé s'étant un jour risqué à leur parler de faire souche, elles avaient déserté l'église, n'y venant plus qu'aux fêtes carillonnées, et encore, moins pour prier que pour s'assurer que personne ne s'asseyait à leur banc. On les disait riches. Elles l'étaient peut-être en effet. Toujours vêtues d'une robe noire, chaussées de lasting, se nourrissant de laitage, de légumes et des fruits rêches de leur jardin, sortant peu, ne recevant jamais, indifférentes aux pauvres, laissant la maison s'émietter, elles ne dépensaient guère que quelques francs par jour. Malgré cela, orgueilleuses de leur nom, elles se seraient crues déshonorées de se livrer aux travaux du ménage et s'offraient le luxe d'une servante. Mais leur avarice était si stricte, leur méfiance si tatillonne, leur autorité si intransigeante, qu'il fallait être abandonné de tous pour entrer à leur service. Les plus patientes y restaient un mois ou deux, les autres s'en allaient au bout d'une semaine. La dernière avait résisté un an, mais c'était une quasi-idiote, boiteuse, bossue, les yeux bigles, incapable de gagner son pain. Aussi bien, les demoiselles le lui faisaient durement sentir, goûtant pour la première fois la joie de pouvoir dire en toute sécurité « Si ça ne vous plaît pas, allez-vous-en » Où serait-elle allée, la malheureuse, avec son pied beau, sa coxalgie double, ses mains maladroites, ses effarements de chien battu? Un jour, pourtant, lassée de vivre, elle était allée jusqu'à la rivière et n'en était pas revenue. Mademoiselle Solange traversa l'allée, tira le loquet, entrebâilla la porte. Par avance, tout visiteur était un ennemi. Et demanda à la fille qui se tenait sur le seuil. « Qu'est-ce que vous voulez ? » ?»« C'est pour la place. » Qui vous envoie ? » Eugénie, la domestique qui était au service de mademoiselle autrefois. Mademoiselle Solange chercha dans sa mémoire. Tant de visages avaient passé dans la maison qu'elle avait peine à se souvenir. Eugénie, une maigre qui n'avait plus de dents. Elle revit une face morne, un visage gonflé par une fluxion chronique et prononça. Entrez. Puis elle ferma la porte, accrocha la barre, et revint vers la maison. Le jour tombait. D'habitude, on attendait pour allumer la lampe que la nuit fût close. Afin de mieux voir la servante, elle donna de la lumière. Mademoiselle Mathilde avait posé son ouvrage sur ses genoux. Elle lui dit en s'asseyant « C'est une personne qui vient pour la place. » La fille demeurait entre elles, les yeux baissés. Quand elles l'eurent examinée des pieds à la tête, Mademoiselle Solange parla. « Comment vous appelez-vous ? » « Catherine Pugnet. Quel âge avez-vous ? »« 17 ans. »« C'est bien jeune. » Catherine Puniet commença de se troubler. « Je suis forte malgré cela. » Les sœurs se consultèrent du regard. Tant de jeunesse les effrayait. La leur avait été semblable à un soleil d'hiver. Leur existence à une année qui n'aurait pas eu de printemps. Entre l'enfance et l'état de sécheresse où elles se trouvaient, rien que la catastrophe du mariage de l'une. Elles se flattaient néanmoins de connaître la vie, mais la voyaient avec leurs yeux inquisiteurs, salaces, de vieilles filles acharnées à sentir et à dépister le péché. L'œuvre de chair, qui était à la fois leur horreur et leur constant souci, se cachait partout. Elles imaginaient le malin ne prenant pas d'autre route pour atteindre les âmes, le démon de la perversité rôdant en tout lieu, et principalement en ceux qu'habitent les êtres jeunes, bêtes ou gens. La nuit, elles tremblaient de fureur au cri des chats. Leur cœur se levait au seul aspect d'un chien courant au flanc d'une chienne. Elles n'étaient pas jusqu'au roucoulement des colombes, jusqu'au chant du coq, annonciateur du jour et de la victoire amoureuse, qui les emplit de dégoût. Mademoiselle Mathilde avait le parler rude et ne s'embarrassait pas de formules. Elle alla droit au but. Vierge, mais instruite en termes précis par les confidences de sa sœur, elle ne craignait pas d'employer les mots crus pour exprimer sa pensée, et goûtait même une sorte d'orgueil à montrer par là l'indifférence de sa chair intacte. Nous n'aimons pas beaucoup les filles de votre âge. Elles n'ont que l'amour en tête et ailleurs. Courent les bals, roulent la nuit avec les garçons, et reviennent le matin, puantes, la figure éreintée, les bras mous et le jupon crotté. « Je ne demande qu'à travailler, » murmura la servante. « Qu'est-ce que vous avez là ? » dit Mademoiselle Solange, l'index tendu. La fille baissa les yeux, posa les mains sur son ventre rond sous son tablier. « Vous êtes toujours comme ça ? » interrogea Mademoiselle Mathilde. Elle rougit de se sentir déshabillée ainsi du regard. « Enfin quoi, êtes-vous enceinte ? » cria la cadette. Elle assura. « oh non !» Et songeant, sans doute pour la première fois de sa vie à sa nudité, expliqua. « Ces rapports à la nourriture de chez nous, on ne mange que des légumes et du gros pain. Alors, ça fait comme les chevaux qui ont plus de foin que d'avoine, ça gonfle. » Mademoiselle Solange reprit. « Qu'est-ce que vous savez faire ? Ici, on cuisine, on lave le linge, on s'occupe du potager, on raccommode. Je m'y mettrai. » Mademoiselle Mathilde relaya sa sœur et développa le programme du travail. On se lève à 5 heures, on déjeune à 11, on dîne à 6 et à 8, on se couche. À chaque mot, la servante acquiesçait d'un hochement de tête. Elle eut seulement une courte hésitation quand Mathilde prononça. Pas de sortie. Même le dimanche? Le dimanche est un jour pareil aux autres jours. La fille demeura pensive, les demoiselles se regardèrent, craignant de l'avoir rebutée par cette dernière exigence. Elles songeaient à l'hiver proche, au bois qu'il faudrait scier, à la glace qu'il faudrait casser, à tous les travaux qu'elles avaient dû faire elles-mêmes l'année précédente. Mais Catherine soupira. « Eh bien, je ne sortirai pas. » Alors, considérant ses hardes, la soumission de ses yeux, l'humilité de ses réponses, elles la sentirent à leur merci et se réjouirent. « Comme gage, 25 francs par mois. Nous voulons une personne propre, honnête, dévouée. » Elle disait oui à tout, intimidée par les meubles de velours, par la pièce où l'on ne pouvait tourner la tête sans rencontrer le regard d'un portrait encadré d'or, renvoyant, par contraste, la maison où elle vivait entre son père infirme, sa mère efflanquée et 6 petits frères et sœurs peu vêtus, grelottant autour d'un poêle qui fumait. On lui montra sa chambre, une soupente traversée de solives, aménagée dans un coin du grenier. Mademoiselle Solange essaya du poing le lit boiteux et dit « Vous serez bien couché, les murs sont épais et la toiture neuve, nous l'avons fait réparer il y a 2 ans. » Dans une cuvette, il y avait un reste d'eau grise, et sur le carrelage, un paquet de chiffons maculés. Mathilde les poussa du pied et pinça les narines. « Voilà dans quel état l'autre a laissé cette pièce. »« Oh, moi je suis propre et soigneuse, » assura Catherine. « Nous verrons, » dit Mademoiselle Solange. Puis elle alluma un rat de cave et leurs trois ombres se profilèrent sur les murs. Mademoiselle Mathilde sortit. « Nous n'avons pas besoin de vous ce soir, » annonça Mademoiselle Solange en se retournant sur la première marche. « Il faut que cette fille dîne, » objecta sa sœur. « Merci, mademoiselle, je n'ai pas faim, » murmura la servante. Et la porte se ferma. Alors, un coude appuyé au cadre de la lucarne, les yeux perdus, elle prit dans sa poche un morceau de pain qu'elle avait apporté de chez ses parents et le mangea.